Et la base dans le Coran, c'est qu'il soit mémorisé, comme Allah Azzawajal dit. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Dans le sens approximatif, non, ce sont là des versets évidents dans les cœurs de ceux qui ont reçu la science. Donc ça, c'est la base dans le Coran, c'est sa mémorisation. Et le cœur dans lequel il n'y a rien du Coran, c'est comme une maison démolie, dévastée, une maison détruite. Le cœur dans lequel il n'y a pas de Coran, c'est comme cet exemple-là, comme ça a été dit dans un hadith qui a été jugé authentique par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, dans ce sens-là. Le cœur dans lequel il n'y a rien du Coran, c'est comme une maison, kalbaytil kharib, une maison démolie, une maison dévastée dans laquelle il n'y a pas de bien. Allah al-musta'an. Donc il convient à chaque musulman de mémoriser ce qu'il peut mémoriser dans le Coran. Ya akhi, ne laisse pas Shaitan t'éloigner de la mémorisation du Coran en te montrant la quantité de versets dans le Coran. Quand est-ce que tu vas mémoriser ça? Sache qu'il y a des grands-mères analphabètes, illettrés qui n'ont jamais été à l'école, qui ont fini le Coran avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir atteint un âge très avancé, 80 ans et plus. Donc, c'est une question de volonté, de détermination et de demander à Allah l'aide et de commencer. Commence par un verset par jour. Un verset par jour. Un verset par jour, ça te semble peu en 10 ans, tu mémoriseras le Coran. Et peut-être que la plupart d'entre nous sont dans les salafia depuis plus de 10 ans. Et on n'a pas fini le Coran encore. Donc, il y a une lacune quelque part. Commence avec un verset. Et toute la science est dans le Coran, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim. فَتَدَبَّرِ الْقُرْآنَ إِرْرُمْتَ الْهُدَى فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ. Médite le Coran si tu cherches et tu vises la guider, car la science se trouve dans la méditation du Coran. Le mérite de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les paroles de ses créatures et comme le mérite d'Allah sur ses créatures. Réciter le Coran, le psalmodier, et avoir une partie du Coran que tu récites quotidiennement et tu laisses pas le coucher du soleil arriver jusqu'à ce que tu l'aies terminé. Fixe-toi une partie du Coran, un hizb, 10 pages, un juz, 20 pages, 5 pages, ce que tu peux. Une page. Mais tous les jours, tu récites cette page. Je parle de la récitation. Car on a la récitation du Coran, on a la mémorisation. La mémorisation, on en a parlé, ne serait-ce qu'un verset. Mais la récitation, il faut que tu aies aussi quelque chose du Coran. Ils disent, yani, ceux qui enseignent le Coran, ils disent, la récitation du Coran, c'est le gasoil de la mémorisation. C'est le carburant de la mémorisation. C'est ce qui va t'aider dans la mémorisation de réciter le Coran. C'est pour ça que tu trouves que la plupart des gens, ils arrivent à mémoriser Sourate al-Kahf très facilement. Même des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils la récitent d'une manière hebdomadaire. Il est indispensable également la compréhension, la méditation, car le Coran, la parole d'Allah, contient des ordres et des interdits. Et si tu ne comprends pas, comment tu vas mettre en pratique ces ordres et comment tu vas t'écarter de ces interdits? Et n'hésite pas à demander quand tu ne comprends pas un verset. C'est pas tu lis le verset et tu le passes toute ta vie comme ça. Le verset que tu n'as pas compris, n'hésite pas à demander à ceux qui peuvent te l'expliquer.